élèvera l'esprit de l'homme à un point tel qu'il ne saura plus reconnaître son ego. Je dis que la personnalité de l'homme sera totalement unifiée à l'ego, dominée par l'âme. Je dis que l'ego ne sera plus jamais seul devant lui-même, parce qu'il y aura en lui trop d'esprit. Et je dis que l'ego sera prêt à affronter n'importe quoi, quelle que soit la douleur, la tribulation ou la vague d'inquiétude qui secouera le globe. Moi, je n'ai rien demandé, je n'ai rien voulu, je n'ai pas connu ma vie qui devait venir après la fusion. Je ne me cherchais pas dans les mêmes voies que vous. Mais j'ai souffert de la lumière. Et aujourd'hui encore, je souffre de la lumière. C'est pourquoi je dois fumer, je dois manger des aliments lourds pour faire mon travail. La conscience est un poids. Et ce n'est que lorsque l'homme est libre de son corps matériel, qu'il est libre dans son esprit, qu'il a le pouvoir de faire autre chose que de se lier à la matière, qu'il peut participer d'une façon absolue à la paix et à la joie que donne la lumière en lui. Mais tant que vous serez sur le plan matériel, vous ne pourrez pas être ce que vous appelez heureux. Parce que être heureux, c'est une illusion de l'ego. Vous serez bien dans votre peau, mais vous ne serez pas heureux. Moi, je ne suis pas heureux. C'est une condition de l'évolution d'être heureux. Et les hommes veulent être heureux, c'est normal. Qui ne veut pas être heureux? Mais vous découvrirez qu'au-delà d'être heureux, il y a un autre état de l'esprit qui permet à l'homme d'être bien dans sa peau. Et c'est une autre sorte d'être heureux. Une autre qualité. Et dans cet état, vous avancez. Et un jour, vous transférez. Et là, vous serez ce que vous appelez heureux. Mais vous serez heureux en esprit et non en ego. Et être heureux en esprit, ce n'est pas la même chose que d'être heureux en ego, parce que les principes dont on se sert pour être heureux en esprit n'appartiennent plus à l'ego. Vous êtes heureux aujourd'hui, demain vous êtes malheureux, après-demain vous êtes heureux, après-demain vous êtes malheureux. Vous faites l'amour, vous êtes heureux, après l'amour vous êtes malheureux. Si vous ne faites pas l'amour, vous êtes malheureux. Je parle de l'amour parce que l'amour pour l'homme c'est essentiel. Enlevez l'amour à l'homme et vous lui enlevez tout, presque. Mais dans l'esprit, vous n'avez plus besoin de l'amour, d'être en amour. Vous êtes lié dans la conscience. Et votre amour se transmute, il devient autre, il devient plus vaste, plus grand, plus anonyme, moins sentimental. On doit perdre quelque chose. On doit perdre quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma faute. on doit perdre quelque chose. Pour gagner autre chose. Et c'est cette transition qui effraie l'homme. Il a peur de perdre d'être en amour. Il a peur de perdre sa sexualité. Il a peur de perdre sa mémoire. Il a peur de perdre sa faculté de penser. Il a peur de perdre. L'ego a peur de perdre. L'ego perdra tout. Dans le temps. Il ne s'agit pas pour lui de s'inquiéter, puisque c'est l'esprit qui pénètre. Pourquoi l'ego s'inquiéterait si l'esprit pénètre? L'ego veut-il l'esprit? Ou veut-il les conditions de l'ego? Et c'est ça l'initiation solaire. C'est ça la pénétration de l'esprit dans l'ego. C'est pour ça que peu pourront le vivre jusqu'au bout. Tous le vivront dans l'expérience, mais peu le vivront jusqu'au bout. Parce que peu auront la résistance suffisante pour absorber l'énergie qui le fera passer d'un plan à un autre, qui leur donnera la vision de l'éthérique. Mais tous auront eu le bénéfice de l'expérience. Rendu après le temps, les mois où j'ai échangé avec vous des paroles, vous devriez être capable de vous situer par rapport à vous-même. Soit que vous continuiez à écouter ce que je dis, ou que vous vous retirez. Vous ne pouvez pas simplement venir pour la forme, parce que plus vous venez pour la forme, plus la forme sera détruite. Si vous venez, venez avec l'intention ferme et claire qu'il y a dans ce que je dis quelque chose qui vaut la peine d'être entendu. Sans cela, vous souffrirez pour rien. Je n'ai plus de temps à perdre. Et ceux qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, avancer, seront forcés de rester derrière, quitte plus tard à continuer. Mais moi, je ne peux plus retarder ce que j'ai à faire. Je dois avoir l'entière liberté de dire ce que j'ai à dire. Parce que j'ai trop à dire. Je n'ai aucune obligation envers l'homme. Je marche avec l'homme. Je marche devant l'homme, mais je n'ai aucune obligation envers l'homme. Ce que je dis, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Moi, je le comprends. Il est temps que vous me compreniez. Une des grandes lois de l'esprit, c'est la préservation sur un globe des humanités ou de l'humanité ou des individus dans l'humanité qui ont été constitués par l'esprit. Et l'esprit fera tout pour maintenir la vie sur le globe. Et ce sera l'ego de ces individus qui sera affecté par la pénétration de l'esprit, parce que l'esprit n'a pas sur l'homme de pouvoir. L'esprit n'a pas sur l'ego de pouvoir. S'il en était le contraire, ça fait déjà longtemps que l'homme serait dans une autre évolution. Il y a énormément de forces dans le cosmos qui retardent l'évolution de l'homme vers l'esprit. Et la seule façon pour l'esprit de pénétrer dans l'homme, c'est par le biais de l'âme. Et lorsque l'énergie atteint le niveau de l'ego, c'est à ce moment-là que se fait la liaison. Mais une fois que l'esprit a commencé à pénétrer, il ne lâche plus. Il ne lâche plus parce qu'il a déjà pénétré. Nous ne pouvons nous constituer par nous-mêmes. Nous ne pouvons devenir par nous-mêmes ce que nous devons devenir. Nous devenons ce que nous devons devenir par l'énergie de l'esprit. Et les conditions de son devenir n'est pas établie par l'ego de l'homme. Les conditions sont établies par l'esprit. C'est pourquoi je dis l'esprit est anti-ego. La créature doit devenir créateur. La créature doit cesser de croire qu'elle a été créée par Dieu. Le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il a des questions à se poser vis-à-vis son évolution, vis-à-vis son origine, vis-à-vis sa destinée, vis-à-vis le passage entre l'origine et la destinée. La question. Mais d'où vient la question? La question ne vient pas de l'homme, ni la réponse d'ailleurs, puisque l'homme est un canal. L'homme a l'impression que la question vient de lui, elle ne vient pas de lui. La question est véhiculée par l'esprit dans l'homme pour que l'homme se demande des questions, parce que ça fait partie des jeux de l'esprit de se demander des questions. Ça fait partie du jeu de l'esprit dans l'homme de se demander des questions pour que l'homme renforcisse, développe son ego. Pour qu'un jour cet ego puisse être renversé dans sa polarité et servir de canal pour l'esprit. Alors, les questions que vous vous demandez viennent de l'esprit, ainsi que les réponses. Mais l'esprit ne peut pas vous demander ou ne peut pas vous faire parvenir des questions qui sont au-delà de vos moyens, comme il ne peut pas vous donner des réponses qui sont au-delà de vos moyens, puisque vous avez de l'ego qui servira à se renforcer s'il avait en lui trop d'intelligence. L'ego est orgueilleux, c'est la fondation même de l'orgueil. Alors la question et la réponse est toujours en relation avec la nature de l'ego. Plus il y a d'ego, moins la question est grande, moins la réponse est grande et précise. C'est pour ça que l'homme se cherche. Sans cela, l'homme ne se chercherait pas. Et tant que l'homme aura à se demander des questions et à se fournir de réponses par le biais de l'esprit en lui, il sera dans une condition inférieure et il sera obligé de croire qu'il est la créature du bon Dieu. La plus grande des conditions psychologiques établies sur aucune humanité dans le cosmos. Nous sommes grands en tant qu'hommes dans le devenir de l'humanité, mais aujourd'hui et depuis longtemps, nous sommes très petits, très faibles, parce que nous n'avons jamais été totalement en mesure d'utiliser les moyens que nous avons à notre disposition. Les moyens que nous avions ont toujours été subalternes et ont toujours servi à des plans autres que notre propre plan. L'homme doit déterminer sa propre évolution. L'homme doit déterminer sa propre évolution et contrôler l'évolution de sa planète. L'homme doit être douanier à la fois et juge. Il doit être douanier pour empêcher les incursions dans la conscience de la planète par des entités ou par des êtres venant d'autres galaxies. Il doit être juge parce qu'il doit savoir par lui-même la limite de sa connaissance pour qu'il puisse la référer à de plus hauts tribunaux qui, eux, savent et connaissent la limite de leur connaissance, pour que la limite de la conscience planétaire devienne infinie, et que, par surcroît, le globe devienne un membre de la Confédération des planètes. Les questions et les réponses que vous vous posez, qui sont des questions intelligentes, ne font pas partie de votre intelligence. Non. Vous avez l'impression qu'elles font partie de votre intelligence parce que vous vous servez de la partie inférieure de votre intelligence. Mais elles ne font pas partie de votre intelligence parce que dans votre intelligence universelle, il n'y a aucune question et il n'y a aucune réponse à ces questions. Et de là l'illusion de l'ego et la souffrance de l'ego. Une des plus grandes clés données à l'humanité, c'est le fait de savoir que l'homme ne se pose jamais de questions, ne se donne jamais de réponses par lui-même. Une des plus grandes clés données à l'humanité. Par la lumière et non par le monde des esprits. Le monde des esprits ne dévoile rien à l'humanité parce que le monde des esprits est jaloux de l'homme. Il est jaloux de l'homme. C'est pourquoi il s'incarne pour son expérience. Et aujourd'hui, le monde des esprits est en attente pour la tribulation qui doit secouer la terre parce que le monde des esprits a besoin de la souffrance de la terre pour évoluer. Et l'homme, lui, va se permettre d'écouter des entités qui sont dans des dominions de l'esprit, qui n'ont même pas le pouvoir en eux de l'esprit. Et vous vous demandez ensuite pourquoi je dis que la lumière est anti-ego. Heureusement qu'elle est anti-égo. Parce que le monde des esprits n'est pas anti-égo, puisqu'il est peuplé d'égo. Désincarné. Et nous, les hommes, nous avons subi cette condition pendant des millénaires. Pendant 10 000 années, vous vous imaginez le matériel qui passe par l'esprit de l'homme dans 10 000 années? Et l'homme s'abreuve de ceci, s'abreuve de ce matériel, le lit, le croit, le mange, s'agenouille, mais toujours pour d'autres raisons différentes. Le musulman s'agenouille pour une raison, le bouddhiste pour une autre, et le catholique pour une autre, le protestant pour une autre, le témoin de Jéhovah pour une autre. On s'agenouille toujours pour des raisons différentes, mais avec un même but, de croire, de nous attribuer le fait que nous sommes des créatures du bon Dieu ou de Allah. La forme est puissante et elle meut des nations et des peuples. Et s'il y a émotion dans la forme, vous vous imaginez ce qu'elle fait d'un peuple enraciné dans une religion dont il ne connaît pas les fonctions cosmiques et la politique universelle établie pour son évolution. Et l'homme de demain, l'homme, le sur-homme, l'homme autre, va vivre de ses catégories d'expérience, va vivre de ses catégories de connaissances, il est mangé, va nourrir son mental de matériel qui n'appartient pas au monde de la lumière. C'est terrible. Ah oui, tout le monde sent, tout le monde intuite, tout le monde a une perception de ce que je dis. Mais personne ne le sait. Et l'ego, pour se rassasier de sentiments de puissance purement égoïque, intellectuelle, une sorte de vanité de son esprit, va regarder en arrière dans l'histoire de l'homme et va dire, bon, la religion fait telle, telle chose, la religion nous a retardés, la religion fait telle. Ce n'est pas la faute de la religion, puisque la religion est essentielle. C'est la condition de l'ego qui n'est pas devenu esprit. Vous n'enlevez pas à un enfant ses jouets, vous les lui laissez. L'enfant doit avoir une certaine maturité avant qu'on lui enlève ses jouets. Et l'âge de la maturité est arrivé. L'âge où l'ego doit être capable de centrer sur son esprit de plus en plus la conscience qu'il a de lui-même pour qu'il puisse une fois pour toutes être libéré de la charlatanerie nécessaire de l'évolution. Nous vivons dans un temps qui est extrêmement grave pour l'humanité. Et ceux qui sont dans une position de perception assez avancée peuvent le voir très bien, d'une façon extrêmement claire. L'ego n'a plus le temps de tergiverser et de se surprendre, surtout de se surprendre de ce qui vient de l'esprit. Au contraire, Il doit s'habituer, se renforcer. Parce que s'il n'est pas demain renforcé, centrique, fort de lui-même, parce qu'il aura été dans l'esprit de lui-même, il vivra des heures pénibles. L'homme ne peut plus vivre de nourriture institutionnalisée pour le bénéfice de millions d'habitants, de milliards d'habitants, des institutions qui, pendant une période, sont bonnes et qui, pendant une autre période, ne servent plus. On a fait de Mao Tse-tung un dieu et lorsqu'il meurt, on découvre la vermine derrière son image. On a fait de la même chose de Staline. On se fait des dieux. On y croit. On monte progressivement des civilisations, faisant partie d'un but essentiel et nécessaire à l'évolution. Mais ensuite, on doit défaire ce que l'on a fait. L'homme ne défera pas ce que l'esprit a construit. L'homme peut défaire ce que l'ego de l'homme fait et construit. Mais ce que l'esprit construit dans l'homme ne sera pas défait, et je vous le dis aujourd'hui. Que l'esprit construise comme ça ou comme ça, il gardera ce qu'il aura fait. On ne peut pas voler l'esprit. On ne peut pas lui enlever ce qu'il nous a donné. On doit le transporter ailleurs si on n'a pas su compléter l'expérience. Je n'ai pas pour l'homme de partage. Tous les hommes, pour moi, sont des hommes. Tous les hommes sont des êtres qui possèdent un esprit en potentiel d'évolution. Et c'est simplement cet aspect de l'homme qui m'intéresse, pas l'ego. Je me fous de l'ego de l'homme. D'ailleurs, je ne veux rien connaître de l'ego de l'homme, parce que je le connais. Je le connais trop. Mais c'est la qualité de l'esprit de l'homme qui m'intéresse, parce que cette qualité est éternelle. Et elle est attribuable à ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, la conscience. Et je mettrai de côté mes alliances avec n'importe quel ego qui ne pourra pas vivre de son esprit. Je ne tiens pas à établir des alliances avec des égaux qui vivent de mon esprit. Mais je tiens à établir des alliances avec les égaux qui vivent de leur propre esprit. Il y a des hommes dans la salle qui vivent de leur propre esprit. Et je les apprécie. Il y en a un devant moi, lui. Qui vit de son propre esprit. Et ce sont ces hommes-là qui pourront dans l'avenir supporter ceux qui sont plus faibles. Je n'ai aucun appétit. Je n'ai aucune illusion. Et mon alliance avec l'homme est avec son esprit. Et plus son esprit grandit, quel que soit le combat entre son esprit et son ego, plus son esprit grandit, plus je serai en alliance avec cet homme. Il ne s'agit plus pour les gens d'avoir des sentiments pour moi. Il s'agit pour les gens de grandir dans leur propre esprit. L'ego doit être transmuté. Parce que vous vivrez demain pour vous seul. Vous ne vivrez pas pour des idées. Vous vivrez pour vous seul. Vous vivrez dans le cadre de votre propre évolution, dans les conditions qui seront ajustées à votre vibration. Qu'il y ait un rapport dans une collectivité aussi nombreuse, c'est normal. C'est même bon. Selon que ça aide. Mais ce n'est plus bon si ça n'aide pas. Personne ne doit rien à personne. Personne ne doit rien à personne. L'ego qui se transmute en esprit réalise ceci. C'est une illusion de l'humanité. C'est une illusion de l'instinct de tribu. C'est une illusion de l'instinct social. C'est une illusion de la grande force qui a permis de construire des civilisations. Mais la civilisation qui vient ne sera pas construite de béton armé. Et ces rues ne seront pas pavées d'asphalte. Tout sera dans l'esprit. Mais il est impossible à l'ego de savoir aujourd'hui ce qu'il connaîtra demain, puisque tout est vibratoire. Si on pouvait traduire à l'ego ce qu'il saura demain, il serait déjà demain. Mais en attendant que l'homme avance, en attendant que la destruction des formes se fasse, et elle se fera, elle doit se faire, l'homme doit se nourrir de lui-même de plus en plus. Les êtres qui sont les plus puissants en eux-mêmes sont ceux qui souffriront le doute. Et je le dis parce que je le sais, je l'ai vécu. Parce que le doute est le passage de l'ego à l'esprit. Et l'ego qui se cache, qui s'enveloppe dans la spiritualité pour qu'il ne vive pas le doute, devra un jour le vivre, le doute. Car la lumière est anti-ego, et sa pénétration crée le doute, parce qu'elle se sert des formes dans l'esprit de l'homme pour assiéger son mental, faire défaillir son émotif et traduire souvent sur le plan matériel des conditions de ce débalancement. et l'allure avec laquelle l'homme, dans l'ego, se traduit en esprit, va beaucoup plus rapidement que l'homme ne peut s'imaginer. Mais l'homme ne voit pas les dangers de la civilisation. L'homme ne voit pas les forces qui travaillent contre l'homme. Il ne connaît pas les mécanismes. Et il est là le danger. Il y a au-dessus et autour de la Terre environ 60 civilisations en attente, dans l'éthérique de la planète, dans l'attente de descendre leurs vibrations pour que l'homme puisse entrer en contact avec elles. La proie, la grande proie. Ce ne sont pas les forces de la lumière. Les frères de l'espace ne sont pas les forces de la lumière. Les frères de l'espace sont les frères de l'espace. Plus ou moins qualifié à travailler avec l'homme, suivant le plan d'évolution du globe. Mais si l'homme ne connaît pas les forces de la lumière avant d'avoir rencontré les frères de l'espace, il sera emprisonné dans des formes encore plus difficiles à détruire, parce qu'il fera de ces êtres des dieux, comme il a fait par le passé. L'homme se fait facilement des dieux. Il aime avoir des dieux parce qu'il est dans l'ego. Et l'ego a besoin toujours d'un grand maître. C'est terrible de penser ainsi. C'est terrible. Et on ne voit pas combien c'est terrible. Parce que dès que l'on pense, nous sommes dans la limite de notre pouvoir. Dès que l'homme pense, il ne peut pas. Alors imaginez-vous. C'est pour ça que l'homme doit se débarrasser des anciennes habitudes qui ont duré des millénaires pour finalement renverser la vapeur et se constituer un centre de gravité fondé sur son propre esprit en relation avec l'esprit universel, puisque l'esprit de l'homme fait partie de l'esprit universel. Mais il fait partie de l'esprit universel seulement quand l'ego a été transmuté. Autant l'ego fait partie des forces qui retardent l'évolution et qui étaient nécessaires par le passé, autant le même ego devra se transmuter pour travailler avec les forces créatives de la lumière. Mais l'homme ne connaît pas son ego. Il le sent, mais il ne le connaît pas. Il est difficile pour lui de s'imaginer, de réaliser que ce même ego est une énergie dont le taux vibratoire peut être augmenté à une infinitude telle que l'homme devient automatiquement créateur, qu'il travaille avec la hiérarchie, qu'il manipule l'énergie sur le plan humain, matériel, de l'âme. Et il n'y a pas accès. Pourquoi? Parce qu'il pense. Il a le plaisir de penser. Et de ce plaisir, il vit. Mais à l'extérieur toujours de son pouvoir, du pouvoir de son esprit. C'est dangereux de penser pour l'humanité, mais c'est normal. Et si on dit ceci à l'ego, il s'inquiète. Il ne veut pas perdre. Il devra tout perdre, tout perdre. Déjà, la mémoire chez certains d'entre vous a commencé à diminuer. C'est normal. C'est bien. Déjà, parmi vous, il y en a qui commencent à comprendre ce que je veux dire. Et réalisent qu'on ne comprend pas ce que je veux dire. On le sait. Savoir, c'est de l'esprit. Comprendre, c'est de l'ego. Plus le temps va avancer, plus vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous ne pourrez plus vous reconnaître, parce qu'il n'y aura plus rien à reconnaître. Il n'y aura plus d'images sur les murs. Et plus vous serez bien dans votre peau. Et plus vous verrez que j'avais raison. Plus vous saurez que je suis vraiment un ami de l'homme, un être à détruire tout ce qui retarde l'évolution de l'homme. L'homme doit être libéré. L'homme doit savoir et tous les instruments doivent lui être donnés. Et tous les instruments lui seront donnés à quelque prix que ce soit. Excepté la destruction du corps matériel. Autant on voudra me détruire, autant il sera impossible. On ne peut pas me détruire. Parce que je suis dans l'esprit. Et ceux qui font partie de la lumière et des fils de la lumière ne seront pas détruits, parce qu'ils seront dans l'esprit. Et l'esprit, c'est puissant. Très puissant. Le mal planétaire ne peut pas faire trembler l'esprit. L'esprit, ça ne tremble pas. L'ego, ça tremble, pas l'esprit. Je vous assure qu'il y aura demain des hommes qui seront intouchables. Et lorsque je dis intouchables, je dis des hommes sur qui le mal, dans toutes ses formes, n'aura aucune prise, qu'il vienne de la planète ou qu'il vienne de l'extérieur de la planète, ou qu'il vienne du monde des esprits.